Libre journal de François-Georges Dreyfus. Je vous laisse en compagnie de Jocelyn à la technique et vous souhaite à tous un bon appétit et une excellente après-midi à l'écoute de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, les midis. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de François-Georges Dreyfus, assisté de Lydie. Cette émission est diffusée en direct dimanche 31 janvier 2010, de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30, et lundi 1er février dans la nuit de minuit à 1h30. Elle est réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Bonjour. Eh bien, en cette fin de mois de janvier 2010, nous allons avoir aujourd'hui une émission un peu particulière. Elle n'eût pas été possible il y a quelques années. Nous allons parler de Maurras, non pas en politique, en universitaire, en historien. Je suis entouré de Georges-Henri Soutou, professeur à la Sorbonne, émérite à la Sorbonne, lui aussi, membre de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, de M. Olivier Dard, qui est professeur à l'Université de Metz, et de M. Motte, qui est professeur à Saint-Cyr, à Couette-Quidan. Alors pourquoi avoir réuni ces trois messieurs ? Eh bien tout simplement parce que entre le 1er décembre et le 10 janvier, j'ai reçu trois ouvrages qui sont des colloques consacrés à l'action française organisés par trois universités françaises différentes, et pas des moindres. Ce ne sont pas des sous-universités. Il y a d'abord la Sorbonne, à tout honneur. Et le colloque organisé par le professeur Georges-Henri Soutou avec Martin Motte, entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale, qui est publié chez Economica. Cet ouvrage se termine, et c'est très symptomatique, sur un extrait important du discours de Georges Pompidou, président de la République, à l'occasion du centenaire de l'Institut d'études politiques de Paris, qui s'appelait à l'origine l'École libre des sciences politiques. Deuxième colloque, organisé à Lille, mais en liaison avec Metz, si j'ai bien compris. Organisé à Sciences Po Paris, en fait. Pardon ? Le colloque. Parlez bien devant le micro. Le colloque avait été organisé, celui-là, l'Action française culture, société et politique, à Sciences Po, à Paris. Ah, d'accord. Mais avec effectivement Lille. Bon, le publié. Présenté par Michel Lémary et Jacques Prévotat. Et qui s'intitule L'Action française, culture, société, politique. Et enfin, il est publié au Septentrion, c'est-à-dire aux éditions universitaires de Lille. Et puis, publié chez Peter Lang, qui est un éditeur européen, je dirais. Suisse, allemand, anglais. Il n'y a d'ailleurs pas de maison en France qui soit pour Peter Lang, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ils intitulent Charles Maurras et l'étranger. L'étranger et Charles Maurras, avec la direction du professeur, des professeurs d'art, Olivier Védard qui est ici, et de mon collègue germaniste Michel Grunewald. Voilà donc trois colloques autour d'un personnage qui, pendant un certain temps, a été considéré comme quelqu'un dont il ne fallait surtout pas parler. C'est un personnage abominable, il ne fallait surtout pas en parler. Parler de l'Action française, c'était l'affaire du fascisme. Charles Maurras, c'est un pré-fasciste. Je dirais d'ailleurs que mon collègue Nolte, notre collègue Nolte, avait considéré que l'Action française était un pré-fascisme, ce qui était certainement une erreur. Mais, en tout cas, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait intéressant, qu'il serait important de réunir autour de Charles Maurras des universitaires de qualité. Et je vais tout de suite poser une question. Qui est Charles Maurras? Qui est-ce qui veut répondre? Monsieur Motte, Monsieur Dard? Monsieur Soutou, peut-être. Monsieur Soutou. J'ai un point de vue, évidemment, de spécialiste d'histoire des relations internationales. L'homme est extrêmement complexe, puisqu'il est enraciné d'abord, il ne faut jamais l'oublier, dans sa province, qui est la Provence, d'une dimension fondamentale. D'autre part, il n'est pas besoin de rappeler que c'est un des chantres du nationalisme français, mais il faudra évidemment revenir sur ce qu'il entendait par nationaliste. D'autre part, c'est un polémiste. C'est un journaliste, directeur de journal, c'est un poète, tout ça n'est pas équivalent, c'est le chef d'une ligue qui est une ligue d'action politique par moments extrêmement politique et même brutale, on peut le dire, c'est le chef d'un mouvement philosophique, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est le genre de personnalité complète que l'on ne pouvait retrouver, et il bondirait dans sa tombe probablement, que sous la Troisième République, où politique au sens traditionnel du terme, politique active au sens des livres, si vous voulez, presse, littérature, poésie et analyse politique, tout ça ne paraissait pas contradictoire. Bien, eh bien, Charles Maurras a joué d'abord un rôle sur le plan de la politique intérieure française. Alors, la Ligue d'Action française, l'Action française de journal, tout cela sont des éléments qui ont joué un grand rôle, mais qui remonte d'abord à l'influence sur Charles Maurras de ses origines provençales, du Félibrige, et en particulier de Mistral. Et je pense que M. Motte pourrait nous dire quelques mots là-dessus. Je vous remercie. C'est un point très important. Je crois que la vision de la politique qu'a Maurras est conditionnée justement par ce lien à Mistral, parce que Mistral est celui qui trouve une langue provençale en état de déclin avancé, puisqu'en fait elle est encore parlée quotidiennement par les gens, mais par contre les élites la boudent, la bourgeoisie provençale la boude, et qui décide de vouer sa vie très tôt, vers 1848, par là, à la résurrection littéraire de cette langue, et qui va en faire un phénomène culturel de grande ampleur, puisque aujourd'hui ça paraît très curieux, le Félibrige c'est beaucoup restreint, mais il faut voir que quand même Mistral a eu le prix Nobel de littérature en 1904 ou 5, que à la fin de sa vie, en 1914 à sa mort, non seulement sa famille, mais les autorités de la République française reçoivent des témoignages de condoléances des chefs d'État du monde entier, donc c'est vraiment un phénomène tout à fait massif, et que du reste, au Félibrige, il y avait beaucoup d'associés étrangers, de membres associés étrangers, des universitaires allemands, des universitaires italiens, William Bonaparte Wise, qui était le petit-neveu de Napoléon Ier, qui était irlandais, bon, donc... Ce qui a marqué Maurras là-dedans, c'est l'idée que la volonté et le travail pouvaient inverser le cours de l'histoire. En fait, c'est le refus du fatalisme historique et le refus de toutes les pensées évolutionnistes pour lesquelles, eh bien, il y a une fatalité aux choses. Je crois que c'est ça que Maurras a retenu de Mistral. Il citait tout le temps la formule que Mistral avait empruntée au poète latin, « Multa renascentur », beaucoup de choses renaissent que l'on croyait perdues et beaucoup de choses disparaissent que l'on croyait pérennes. Mais autour de Maurras, entre Mistral et Maurras, il y a un interpellant. Je dirais qu'il y a un intermédiaire dont vous avez beaucoup parlé. Oui, c'est Frédéric Amouretti qui est un homme peu connu parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 40 ans en 1903. Mais c'est un homme qui a été important parce que sa réflexion sur l'avenir de la langue provençale et aussi c'était lié sur l'équilibre européen, on verra pourquoi tout à l'heure c'était lié, était beaucoup plus avancée que celle de Maurras quand Maurras l'a rencontré. Et donc Maurras l'a dit, c'est Amouretti qui a été son mentor en quelque sorte. Mistral c'était l'œuvre poétique, c'était l'impulsion initiale. Le passage à la politique, l'articulation entre la poésie, l'action poétique et l'action politique, c'est véritablement Amouretti qui en est le théoricien, et c'est ça qui va marquer Maurras. Amouretti a quand même des remarques tout à fait intéressantes quand il renie la notion de race malgré tout. Oui. Et il y a là quelque chose qui est assez extraordinaire et qui montre bien que l'antisémitisme de l'Action française, qu'il ne faut pas négliger, n'est pas raciste. Au contraire. C'est-à-dire que Amouretti est quelqu'un qui a été très marqué par l'enseignement de Fustel de Coulanges. Et Fustel de Coulanges, avec l'école positiviste française, s'oppose justement à cette analyse de l'histoire en termes de lutte des races, qui est très courante en Allemagne à cette époque-là. Et il montre qu'en fait, ce qu'on appelle des races, ce sont avant tout des peuples constitués par l'histoire et par une langue commune, etc., beaucoup plus que par un sang commun, puisque en fait, les mélanges de sang, même en Allemagne, ont été beaucoup plus fréquents qu'on ne pense. Voilà. Et Amouretti était tout à fait sensible aussi, parce que en tant que provençal, quand même la Provence est un creuset ethnique particulièrement prononcé dans la France qui est elle-même un creuset ethnique particulièrement prononcé. Oui, l'île de Provence, dans ma famille qui est langue de Sienne, ma famille maternelle qui est langue de Sienne, disait toujours la Provence est une terre d'empire. Mmh. Et il ne faut pas l'oublier, pendant longtemps la frontière elle est sur le Rhône. Oui. La main gauche que les bateliers provençaux appelaient Réaume, le royaume, et la main droite, je veux dire, et puis Empi, à gauche, oui, en descendant du Rhône. C'est l'Empire. Oui. Mais enfin, c'est très théorique, hein, parce qu'en fait, dès le XIIe siècle, c'est théoriquement d'Empire, et de fait, c'est dans la mouvance capétienne. Ah non, mais ça, c'est moi, si vous voulez, je vais vous amuser une minute. Bon, ma famille maternelle est languedocienne, donc du royaume. Et mon épouse, son père, est né en Avignon. Quelle chose scandaleuse dans le territoire d'Empire. Une des premières remarques de mon grand-père. Bon, ceci dit, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Incontestablement, il y a, du fait même du Félibrige, du rôle de la Provence, une volonté de décentralisation chez une France décentralisée, en réaction d'abord contre le jacobinisme révolutionnaire, qui, à mes yeux d'ailleurs, n'est pas seulement révolutionnaire, et puis en réaction pour montrer l'existence de ces provinces qui ont été dédaignées depuis Napoléon jusqu'à une date récente. C'est-à-dire que, alors c'est très complexe chez Maurras, parce que dans un premier temps, son engagement est fédéraliste. C'est vrai que ce qui est premier pour lui, ce sont les autonomies régionales, locales, etc. Parce que, bon, bah, ne serait-ce que parce qu'il est Martégal et que Martigues était une forme de république autonome jusqu'à la Révolution, comme une dizaine ou douzaine de villes en Provence qui votaient leurs propres impôts, etc. Donc il y a ce passé-là qui est agissant. Mais il y a autre chose, il y a qu'après la défaite de 70, il y a toute une partie des élites françaises qui interprètent justement la défaite de 70 comme étant le résultat de l'asphyxie progressive des énergies françaises par la centralisation parisienne. Et qui souligne que, en fait, la Prusse qui a vaincu la France, eh bien, finalement, est à la tête d'une fédération d'États à l'époque. Hein, et qu'il y a encore une conscience locale très forte dans les pays les plus dynamiques de l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est-à-dire l'Angleterre, c'est-à-dire l'Italie aussi, tous pays qui s'unifient, pour le cas de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont dynamiques, mais qui conservent cette tradition des autonomies locales. Et alors, il va y avoir donc... Puisque vous me permettrez de vous interrompre, il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs que l'unité italienne, c'est 1859, c'est-à-dire 150 ans par rapport à nous, et que l'unité allemande, c'est 1871, 18 janvier 71. Et j'avais beaucoup de mal à faire comprendre à mes étudiants, même à Strasbourg, que l'Allemagne, avant 1871, c'est une expression géographique. Il ne faut pas l'oublier, je crois que c'est fondamental quand on pense à son... Alors qu'en France, la situation est totalement différente. Et, mais en même temps, ce sont des unités qui laissent quand même subsister, ne serait-ce qu'en Allemagne avec le royaume de Bavière qui garde sa main. Donc, qui laissent subsister. Et alors en Italie, où pourtant la tradition est quand même beaucoup plus influencée par le jacobinisme français, mais il reste la conscience locale dans les bourgs italiens, et ça, ça, j'ai lu récemment le récit du voyage de Mistral en Italie en 1891, et ce qui le frappe, c'est ça, c'est cette vitalité de la conscience locale. Et alors, ces gens-là interprètent ces forces locales et régionales comme des paravents contre les grandes crises sociales, contre les révolutions, etc., comme des coups de feu, en fait. Vous me permettrez de faire remarquer que l'Italie d'aujourd'hui connaît encore ce genre de problème. Oui, oui. Et c'est assez curieux, alors qu'en Allemagne, on est bavarois, on est saxon, on est hanovrien, mais on est d'abord, on est ensuite allemand. Alors qu'en Italie, j'en suis pas du tout convaincu. La conscience, enfin, j'ai connu l'Italie pas mal il y a une quinzaine, vingtaine d'années, et la conscience italienne, elle est beaucoup locale, ou du moins à l'époque, elle était très clairement locale. Voilà, ben déjà, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà mises en place. Nous reviendrons tout à l'heure sur les relations de Maurras avec l'Église, à moins que vous ne vouliez en parler tout de suite, Monsieur Mott. Je ne sais pas, peut-être dans le cours de la conversation, je ne vois pas le rapport direct avec le fédéralisme, peut-être on en reparlera un peu plus tard. Alors, il est intéressant, ce qui montre à la fois votre ouvrage et celui de Les Maris Prévotat, publié à Septentrion, c'est la place de Maurras dans la société française. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de cet homme qui a une influence considérable, en définitive, même sur ses adversaires. Qui a une influence sur le monde intellectuel et politique, mais qui... J'utiliserai une formule, elle vous scandalisera peut-être, dans quelle mesure, si vous voulez, un homme comme Clémenceau, en tout cas après 1910, n'est-il pas un maurrassien républicain ? Mais je suis tout à fait d'accord avec... au moins certains aspects de cette formule, en ce sens que, d'abord, Maurras a écrit dans une époque tout à fait différente de la nôtre, où les polémiques les plus vives n'empêchaient pas la poursuite des échanges. D'autre part, la critique apportée à Maurras, ou une partie des critiques qu'il apporte au système républicain, c'est-à-dire en fait la faiblesse de l'exécutif pour l'aspect qui nous intéresse en ce moment, elle est très largement partagée dès avant la guerre de 14. Quant à Clémenceau lui-même, il pouvait avoir dans sa jeunesse peut-être un peu anarchiste quelques doutes, dès qu'il est arrivé aux affaires comme président du Conseil et ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, en 1906, si je me souviens bien, 1906. Il a tout à fait compris les nécessités d'un exécutif plus rigoureux. Il y a néanmoins une différence fondamentale. Clémenceau reste un romantique, enfin marqué par sa génération romantique, en ce qui concerne le problème des nationalités. Tandis que Maurras, se situe avant, à côté, après, comme on voudra, du romantisme en matière de nationalité. Il est même, comme chacun sait, l'ennemi juré du romantisme. Je pense que le point de départ de sa réflexion politique, c'est sa détestation du romantisme. Alors là, il reste quand même une différence fondamentale. Un peu occulté pendant la guerre de 14, parce qu'à partir de 1917, il est évident que l'Action française soutient Maurras. Soutient Clémenceau, bien sûr. Bien. Mais quand même, voilà un homme qui est à la tête d'une association, d'une ligue, appelons-la ainsi, qui est l'Action française, qui est en fait un parti politique, et qui n'aura jamais d'électeurs. C'est un problème. Oui, moi je voudrais simplement revenir quand même un instant sur Clémenceau pour rappeler quand même que lorsque on est effectivement autour de 1906, l'Action française est violemment hostile à Clémenceau à cause de la répression que mène justement Clémenceau contre un certain nombre de mouvements sociaux, et je pense en particulier au papier de Maurras à propos de la fusillade de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges, Draveil, etc., où l'Action française affirme un discours économique et social quand même important. Alors effectivement, par la suite, pendant la Première Guerre mondiale, les conflits entre Maurras, l'Action française, et notamment Daudet d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, et Clémenceau vont s'atténuer. Alors, par rapport à la Ligue, je crois que, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une Ligue n'est pas un parti. une ligue correspond à un certain développement, je dirais, de l'histoire du système partisan en France et en particulier sur le plan du nationalisme. Et la Ligue d'Action Française, elle est pensée à l'origine par Maurras comme, en quelque sorte, à la fois une forme de continuité mais aussi de rupture par rapport à des ligues antérieures et en particulier la Ligue de la Patrie Française. Parce que ce qui intéresse Maurras à travers la Ligue, la création de la Ligue d'Action Française, qui est inséparable d'ailleurs du journal, c'est à la fois de construire une organisation politique, c'est vrai, qui se soucie de propagande, incontestablement, et dont une des missions est d'ailleurs à la fois de diffuser le journal, c'est le rôle des Camelots du Roi, mais de diffuser aussi plus largement la pensée d'Action Française et d'aider un certain nombre de groupements en difficulté, je pense en particulier à toute l'affaire des inventaires. Mais le problème de l'Action Française, c'est justement, si on réfléchit à son influence, c'est la question de l'inadéquation qui existe entre une influence intellectuelle considérable de Maurras, mais de Maurras qui n'est pas non plus toute l'Action Française, on y reviendra peut-être, une influence intellectuelle absolument incontestable, avec, à l'inverse, une influence politique qui peine à s'affirmer, ce qui a conduit d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, l'Action Française anti-républicaine à se présenter aux élections à deux reprises, en 1919 et en 1924. En 1919, cela permet l'élection, notamment au Parlement, de Léon Daudet, qui va jouer un rôle incontestable, en particulier dans un certain nombre de débats sur la politique étrangère dont on reparlera peut-être. Mais en revanche, en 1924, lorsque l'Action Française de nouveau présente des candidats, avec un certain nombre d'espoirs d'ailleurs à ce sujet, ayant tenté de pénétrer un certain nombre de secteurs de la société française, c'est un échec absolument cuisant, y compris dans une circonscription en particulier à Paris, qui était réputée plutôt gagnable et où l'Action Française n'a que comme seule satisfaction d'avoir battu Marc Sangnier. Donc c'est quand même très en deçà des ambitions. Alors c'est la vieille revanche du dilemme de Marc Sangnier de quelques années plus tôt, mais c'est très en deçà de ce que souhaitait l'Action Française. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de François-Georges Dreyfus. Nous avons le plaisir de recevoir Georges-Henri Soutou, professeur d'histoire à la Sorbonne, Monsieur Martin Motte, directeur. Alors j'ai noté comme ceci, monsieur, vous rectifierez si j'ai omis quelque chose. Directeur des études à l'école militaire. Oh là là, non, je suis maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne en détachement, mais je ne suis pas directeur des études. D'accord, alors maître de... Je vous remercie de cette promotion, mais j'entends déjà un bruit de culasse. C'est le professeur qui... Alors maître de conférence des détaché. Voilà, en pièce détachée. L'université Saint-Cyr. Voilà, exactement. Saint-Cyr. D'accord. Bien, alors donc, Monsieur Martin Motte, Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Metz. Et nous avons donc quelques messages, mais je crois que Olivier Dard a répondu déjà en grande partie à cette auditrice qui demande qu'est-ce que l'Action française. Vous avez quand même déjà évoqué pas mal. Et puis, un auditeur qui présente tous ses voeux au professeur Dreyfus, c'est un élève de l'IEP de Strasbourg. Cet auditeur demande, quel fut le rapport de Maurras avec les francs-maçons? Selon vous, qui est l'héritier de Charles Maurras parmi les hommes politiques actuels? Je crois qu'il s'en parle. il est très curieux, cet ancien étudiant. Oui, parce que Maurras, c'est tout sauf un homme politique. Donc je vois assez mal comment un politique pourrait directement se considérer comme un héritier. C'est d'ailleurs, pour revenir sur la question que cette dame posait à propos de l'Action française, l'Action française c'est une ligue, mais c'est aussi d'abord un journal. Et un quotidien extrêmement bien fait qui lui pèse très largement sur la société française. Est-ce que je peux me permettre une remarque pour compléter la réponse? Parce que Maurras c'est pour nous évident, mais il me semble qu'on n'a pas encore évoqué un point qui n'est pas inutile pour l'ensemble du débat. C'est une pensée royaliste. Ce sont des royalistes. C'est un royaliste. C'est un royaliste. Il faut évidemment préciser tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de rompre avec le royalisme traditionnel familial et sentimentale qu'une génération dont au moins les parents ou les grands-parents avaient des souvenirs précis de la Restauration. Génération pour laquelle le royalisme était encore une réalité vivante, qui substituait donc quelque chose qui était beaucoup plus rationnel et qui pouvait donc, au moins en théorie, attirer de nouvelles générations de façon totalement indépendante de l'ancien royalisme. Il faut rappeler que parmi les membres fondateurs de la Ligue d'Action Française, beaucoup n'étaient pas royalistes au départ, n'est-ce pas? Alors, il faudra peut-être s'interroger sur la raison fondamentale de ce royalisme de Charles Maurras. C'est, à mon avis, le résultat d'une analyse politique de la situation dans laquelle se trouve la France. Et là, on retrouve la difficulté de ce que disait Olivier Dard. Charles Maurras n'est pas un homme politique. Il a toujours dit « politique d'abord », mais on oublie la suite de la citation, qui est très importante, non pas dans l'ordre de la dignité, mais dans celui de l'urgence. C'est-à-dire que la politique est pour lui un passage obligé pour arriver à quelque chose, à ses yeux, plus important. Donc c'est l'inverse d'un homme politique au sens, disons, contemporain du terme. Je vous remercie beaucoup, surtout de cette remarque pleine de bon sens à laquelle on ne pense pas toujours. Merci. Monsieur Dard. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste compléter sur un point, justement, par rapport à nos auditeurs. C'est peut-être pour dire que, justement, Maurras, c'est peut-être davantage monarchiste que royaliste. Et c'est justement, dans le vocabulaire du temps, cette prise de distance avec le royalisme traditionnel qui s'explique, effectivement, pour les raisons qui ont été indiquées, mais qui s'explique aussi, si on songe, au fondement intellectuel de la pensée maurrassienne. On a parlé de Mistral à raison, Mistral à Moretti, mais il faut aussi ajouter chez Maurras la relecture des auteurs monarchistes traditionnels et notamment Bonald des Maistres, mais aussi la lecture tout à fait fondamentale chez lui d'Auguste Comte. Et la volonté effectivement d'inscrire le monarchisme dans une logique d'empirisme organisateur, de convertir à la monarchie un certain nombre de jeunes gens qui justement ne l'étaient pas, avec une dimension intellectuelle fondamentale. Et tout à l'heure quand je disais qu'il y avait une différence majeure entre la Ligue de la Patrie Française et la Ligue d'Action Française, c'est dans la volonté de l'Action Française, avec l'Institut d'Action Française, les étudiants de l'AF, etc., d'inscrire l'Action Française comme un mouvement qui, sur le plan intellectuel, souhaite incontestablement peser et forger de nouvelles élites. Alors, je crois qu'il serait peut-être bon de préciser, de compléter ce que vous venez de dire. Quelle différence faut-il faire entre monarchisme et royalisme ? Si vous voulez, la différence que je ferais, enfin qui n'a rien d'ailleurs de très original, c'est en fait celle qu'induisait Georges-Henri Soutou, à savoir que le royalisme, c'est au fond l'expression d'une fidélité ancienne dans un certain nombre de milieux précis ou de territoires précis, hein, je pense en particulier au Blanc de Milly, etc. Le monarchisme d'Action Française, lui, veut justement rompre avec cette logique émotionnelle pour y ajouter, voire même y substituer la raison, ce qui d'ailleurs ne va jamais être aussi simple que ça à mettre en pratique, car l'Action Française, lorsqu'elle va organiser un certain nombre de grands rassemblements monarchistes, va aussi, et surtout en période de difficulté, après la condamnation de 1926, réactiver à sa façon le vieux royalisme aussi en jouant sur la dimension émotionnelle. Et il est évident, on parlait de la Provence, un certain nombre de rassemblements d'Action Française en Provence attirent des militants qui sont, je dirais, dans une forme d'entre-deux. Vous avez effectivement des maurrassiens de stricte obédience et vous avez aussi un certain nombre de royalistes traditionnels qui vont se retrouver dans l'Action Française avant que le prétendant, au début des années 30, alors là, au milieu plutôt des années 30, ne rompe avec l'Action Française. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le prétendant en question s'attend le comte de Paris. Oui. Nous en arrivons alors à une question qui est intéressante et qui rejoint ce que nous voulons dire. Quel est l'impact de l'Action Française dans la société française réellement? Alors, nos collègues dans le colloque l'Action Française, culture, société et politique mettent un certain nombre de points en avant. L'armée, le monde économique, les milieux catholiques, le monde politique, les étudiants, en fin de compte, que faut-il en retenir? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'avais participé effectivement à ce colloque pour parler des milieux économiques. Bon, ce que je crois, est important ici, c'est de constater que la pénétration de l'action française dans la société française, d'abord elle est fonction de la chronologie, ce qui est une évidence quand on est historien, mais elle est aussi fonction d'un certain nombre de milieux. Et il est évident qu'il y a des distorsions manifestes entre certains milieux et d'autres. Et le colloque avait par exemple permis de montrer que sur le plan économique, la pénétration de l'action française était relativement réduite. Sur le plan militaire, elle n'était pas aussi importante que d'aucuns ne l'avaient pensé. Et il faut ajouter que sur le plan politique, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a évoqué le cas Clémenceau, on évoquera bien entendu le cas de Gaulle, là aussi il y a pas mal de choses à relativiser. En revanche, pour tout ce qui concerne le monde intellectuel, le monde des idées, le monde des revues, ce monde des publicistes de la Troisième République, qui effectivement est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, la pénétration de l'action française est importante. Non seulement parce qu'elle est lue et commentée, mais aussi parce qu'un certain nombre d'acteurs se déterminent par rapport à elle. Et c'est ça qui la rend effectivement, de ce point de vue, tout à fait importante. J'ajouterais qu'il faut prendre en compte également des paramètres régionaux et l'implantation de la Ligue, par exemple, est plutôt importante sur le pourtour méditerranéen, sur le nord, relativement peu dans l'ouest, en Bretagne en particulier, davantage à certains moments en Gironde et un petit peu dans l'est, et bien sûr à Paris, avec une sociologie militante qui fait la part belle aux étudiants. Ce qui me permet de conclure en disant qu'au fond, l'action française, à travers la formation qu'elle dispense, notamment à l'Institut, sa pénétration dans le monde des étudiants, etc., forme un certain type d'élite. Et les gens passés par l'action française, ceux qui ont, je dirais, le mieux réussi, on parlera peut-être des successeurs des successeurs de l'AF, sont essentiellement des écrivains, des publicistes. On parlait tout à l'heure de la décentralisation. Sait-on par exemple que Jean-François Gravier, l'auteur du célèbre « Paris et le désert français » est un maurassien de première importance durant l'entre-deux-guerres. En revanche, l'action française n'a pas su, pour des tas de raisons, former ce qu'on appellerait des décideurs. Des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, des grands patrons passés par l'action française, j'en ai cherché, j'en trouve peu, des hommes politiques passés par l'action française, on en trouve assez peu, sauf quelques noms bien connus. Mais on peut en discuter. Alors que dans d'autres élites, c'est là pour le coup un succès beaucoup plus éclatant. Ben, je vous remercie, monsieur Dard, de tout ceci. Pardon, professeur, je crois que Martin Motte essaie depuis un petit instant de prendre la parole. Allez-y. Non, moi, il me semble que l'intérêt de Maurras, c'est qu'il a recoupé par sa biographie même et par son propre débat intérieur, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement composite et divisé contre lui-même, d'ailleurs il en a parlé, recoupe en fait les centres d'interrogation de la société française elle-même. Et que c'est ça qui fait que Chenu a dit un Français sur deux a été, est ou sera maurassien un jour. Et ça, je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les questions que s'est posées Maurras étaient celles qui divisaient la société française. Je voudrais revenir par exemple sur la question du romantisme qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous disiez c'est un anti-romantique, c'est comme ça qu'il faut le définir en premier lieu. En réalité, il y a une ambiguïté car Maurras réagit contre son propre romantisme. Et si vous prenez par exemple justement son lien avec Mistral, il ne faut pas oublier que Mistral est né en 1830 et que le premier engagement politique de Mistral, qui en a finalement connu assez peu, c'est 1848, et son poème aux Girondins où il dit « la liberté va réveiller le monde, peuple sortez de vos sépulcres froids ». Donc on est en plein romantisme des nationalités et Maurras reconnaîtra dans une brochure qui s'appelle « L'idée de la décentralisation » justement l'importance du romantisme pour ces mouvements décentralisateurs. Donc je crois que le débat romantisme-classicisme, qui est un débat qui est présent dans la société française, et ne serait-ce que parce qu'il est toujours évoqué au lycée, et c'est quelque chose que Maurras vit de l'intérieur. Et je crois que la capacité de Maurras à influencer son temps vient de ce qu'il y a une sorte d'osmose entre sa psychologie particulière et les interrogations de toute une nation, en définitive. En fait, oui. Je pense qu'il faut évidemment distinguer entre l'adhésion. Alors, surtout. Oui, il faut évidemment distinguer entre l'adhésion proprement dite à l'action française. Bon, on a tous connu, enfin moi j'ai connu en tout cas, d'anciens camelots du roi. C'était une marque d'adhésion forte, bien sûr. Et puis, d'autre part, l'influence des idées de l'action française qui a été, à mon avis, beaucoup plus étendue. Et j'en veux deux preuves. D'abord, le combat engagé par Rome en 1926 contre l'action française. Il est quand même très rare que l'Église catholique prenne de tels risques. Elle les a pris, à mon avis, à la mesure du danger que représentait, à ses yeux, l'influence de l'Action française sur les jeunes générations, disons des bourgeois catholiques conservateurs. Et j'en veux un deuxième exemple. Il se trouve que j'ai la correspondance entre mon père, qui était résistant, puis ensuite avait dû se réfugier à Genève, et mon parrain, Henri Maroux. Correspondance secrète pendant toute la guerre. Et ce qui m'a beaucoup frappé, en étant 43, 44, 45, c'est l'obsession de ces deux hommes, parfaitement informés, de la nouvelle génération, face à ce qu'ils considèrent comme une influence tout à fait déterminante de l'Action française, au moins pour les idées, sinon pour la Ligue, sur les générations du temps. Et également sur la jeunesse française du temps. Donc, l'influence est difficile à mesurer en termes, disons, d'institut de sondage, c'est certain. Mais en même temps, je crois qu'il serait impossible à sous-estimer. Votre remarque est très intéressante et elle me pose personnellement un problème. Bon, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur Vichy, je continue de travailler sur Vichy. On parle toujours de l'influence maurrassienne sur Vichy. Dans les faits, la Révolution nationale n'a rien de maurrassien, elle est plutôt technocratique qu'autre chose. Ce qui n'est pas du tout dans les idées de Maurras. Mais ce que vous venez de dire sur l'influence sur les jeunes à cette époque, oui, je pense que ça m'ouvre des horizons, M. Dard. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on peut revenir d'ailleurs sur Vichy, mais je voudrais simplement revenir sur ce qu'on dit à la fois Martin Motte et Georges-Henri Soutou, parce que je crois qu'au fond, on est sans doute d'accord. Tout dépend, au fond, de quoi on parle et sur quoi mettons, en quelque sorte, le projecteur. Soit on essaye effectivement de procéder en coupe à partir d'un certain nombre de segments de la société française et de prendre effectivement en considération le problème de l'adhésion au maurrassisme comme système constitué qui effectivement impose d'accepter un certain nombre de points, le monarchisme, etc. Soit, en revanche, on considère que l'Action française peut, à certains moments et sur certains dossiers, peser sur l'opinion. Ça me paraît tout à fait évident et les exemples que prenait Georges-Henri Soutou sont tout à fait justes et on pourrait d'ailleurs en multiplier, notamment sur les questions de politique étrangère. Alors par rapport à Vichy, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur la dimension technocratique de l'État français. Par rapport au maurrassisme, j'ajouterais une chose, c'est qu'un certain nombre de maurrassiens qui vont se retrouver engagés à Vichy, notamment, alors c'est pas non plus indifférent de voir où on les retrouve en particulier dans tout ce qui concerne la jeunesse et les aspects corporatifs, c'est-à-dire effectivement des lignes de force où l'Action française avait un véritable projet, ils vont être à la fois déçus par le régime, c'est absolument incontestable, mais ils vont être aussi déçus, je pense à des gens comme Gravier et à un certain nombre d'autres, ils vont être déçus aussi par le fait que l'espérance qu'ils avaient de voir au fond un pays légal ayant annihilé, ou n'ayant pas justement véritablement annihilé le pays réel, il suffisait de changer de pays légal pour, et ils se rendent compte que, pour le coup, les temps ont changé. Et quand on regarde, par exemple, quand on lit des revues comme les revues Idées, par exemple la revue Idées, qui est la grande revue de la Révolution nationale, les papiers de Gravier, de Salon et des autres, on voit très bien que leur crainte, c'est le pays réel. Ils disent, mais finalement, le pays réel lui-même ne correspond plus à ce que l'on pouvait espérer. Et pour faire une révolution nationale de type maurrassien, effectivement, on est à ce moment-là loin du compte. Et quand on regarde les sphères de décision de Vichy en matière économique et sociale, j'ai suffisamment travaillé là-dessus, c'est effectivement les technocrates qui mènent la danse. Et très largement. Il y a d'ailleurs un élément qui est presque, je dirais, caricatural. La volonté incontestable du Conseil national de maintenir les départements contre la politique de régionalisation de l'amiral Darlan. Alors, ce qui fait que la loi d'Arlan sur les régions, qui est toujours en vigueur, en fin de compte, que la délimitation est toujours la même, ou quasiment. Mais le département subsiste alors que d'Arlan voulait supprimer carrément 90 départements à l'époque. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire qui se passe à ce moment-là à Vichy. Bon, pour en revenir, moi, j'ai été tout à fait étonné de ce que vous disiez. D'ailleurs, il n'y a rien dans le colloque qui est là, sur la Bretagne. Moi, je voyais la Bretagne comme beaucoup plus AF qu'on ne croit. Il n'y a rien sur la Bretagne, il n'y a rien sur l'Alsace non plus. Alors, Bon, si vous voulez... Nous allons revenir sur l'Alsace, si vous voulez, après. Mais je vous écoute sur la Bretagne. Sur la Bretagne, si vous voulez, là, je pense en particulier aux travaux importants qu'a mené David Bensoussan sur les droites en Bretagne. On voit très bien que si, effectivement, la Bretagne de l'avant 14 et de l'entre-deux-guerres est une région, effectivement, marquée par les droites, le catholicisme, etc., l'action française elle-même, effectivement, ça peut peut-être surprendre, mais a du mal à véritablement y percer, même si l'action française s'est intéressée de très près à la Bretagne. On parlait tout à l'heure des questions de décentralisation. Le premier cours sur l'idée de décentralisation à l'Institut d'Action Française et sur l'histoire des provinces françaises, il est fait par Alain Leclésiou sur, justement, la Bretagne. Mais la Bretagne n'est pas, effectivement, l'Ouest catholique n'est pas cette région qu'on aurait pu imaginer extrêmement favorable à l'action française. Je pense qu'il y a ici toute une série d'éléments qui rentrent en considération, en particulier bon, ce livre sur place, une lutte au niveau catholique importante, et je pense qu'en même temps l'action française est peut-être un mouvement trop remuant pour un certain nombre d'élites locales. C'est ainsi, et ça n'a pas grand-chose à voir, si vous voulez, avec le poids que peut avoir l'action française dans le Nord ou sur le pourtant méditerranéen. Oui, mais il y a l'Alsace. Alors là, sur l'Alsace, il faut voir une chose, c'est que l'action française en Alsace, en défendant une espèce d'autonomisme républicain, va jouer un rôle qui n'est pas du tout négligeable. Une bonne partie de la droite alsacienne, la droite, des nations, des francophones, des francophiles alsaciens. Car il ne faut pas oublier, on oublie toujours que un tiers des Alsaciens votent pour les autonomistes entre 1924 et 1936. En 1936 encore. Or, ce qui fait l'armature en quelque sorte, ce sont des gens d'Action française qui vont se retrouver d'ailleurs dans la résistance pétainiste, la résistance vichysoise, en 1940, je pense à un homme comme Dengler, par exemple, qui a joué un rôle considérable à l'AF, et ensuite, incontestablement, dans la résistance alsacienne. Il est le patron de la résistance alsacienne, mais qui jouera, ce n'est pas notre sujet, un rôle considérable dans certaines négociations entre l'entourage de Stauffenberg et les milieux américains. L'on oublie toujours de noter, de souligner, dans lequel le gouvernement, le cabinet du maréchal, je ne dis pas le gouvernement de Vichy, mais le cabinet du maréchal a joué un rôle en 1943 qui est loin d'être négligeable et qu'on laisse un peu trop de côté. Voilà. Donc c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas eu quelque chose sur l'Alsace. Non. Et je vais vous faire un aveu, on me l'aurait demandé, je l'aurais volontiers fait, parce que ça c'était une chose qui me tient à cœur, c'est de penser au rôle national de l'action française, au-delà de tout ça, de toute autre chose. Eh bien écoutez, moi comme je n'étais pas organisateur du colloque, mais sinon je serais tout à fait preneur d'un travail sur l'Alsace, si vous pouviez un jour faire ça, ce serait très bien, on peut organiser ça. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de François-Georges Dreyfus. Nous avons le plaisir de recevoir Georges-Henri Soutou, professeur émérite à la Sorbonne, Martin Motte, maître de conférence détaché à l'école militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Metz. Nous avons un message, professeur, d'un auditeur. Quel rôle peut jouer l'action française aujourd'hui dans le domaine politique? Qui est-ce qui veut répondre? Je crois que, écoutez, je ne vais pas répondre directement parce que ça m'entendrait trop loin. À mon avis, nous avons quand même l'action française en tant que telle, comme mouvement historique, et ça c'est fini pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Je dirais simplement que quand je donne à mes étudiants en explication de texte à l'examen un texte même de Bainville, qui est la clarté même, ils n'en comprennent pas le français. Donc nous avons changé de génération, changé d'univers culturel, fondamentalement avec la fin des études classiques. Ça, c'est mon hypothèse. Maurras fait partie de la civilisation gallo-romaine. Nous en sommes sortis, pour dire les choses extrêmement brutalement. Voilà quelle serait ma réponse immédiate. Alors, en revanche, certaines interrogations sur la nécessité en politique extérieure d'un exécutif capable de décider sur le problème de l'indépendance nationale, etc. Ça, on voit bien qu'en France, ce sont des questions qui ne disparaissent pas. Elles ont disparu dans les autres pays européens, sauf l'Angleterre, en France, elle subsiste, comme le montre très bien le résultat des référendums européens, par exemple. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire en une minute. Bien, et nous voilà, l'Action française, quelle est son influence à l'étranger? Oui. Je crois que c'est le colloque de Metz. Oui, absolument. Donc vous êtes responsable, vous avez été l'un des responsables, Monsieur Dard. Tout à fait. Et dans ce colloque de Metz, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. L'Action française a joué une influence réelle, importante, essentiellement dans le monde latin. Oui. Ce qui d'ailleurs est assez, c'est assez normal, est assez logique, et quand on reviendra sur les visions de la politique extérieure développées, je pense en particulier dans le volume dirigé par Jean-Jean Rissoutou et Martin Motte, on verra très bien que la question latine est fondamentale pour Maurras. Mais disons que par rapport à la relation de Maurras et de l'Action française à l'étranger, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que l'Action française, quelle que soit l'importance de Maurras, ne se résume pas à Maurras. Il faut absolument prendre en considération les cas de Bainville, Daudet et même Valois. J'avais d'ailleurs organisé dans la foulée du colloque sur Maurras un colloque sur Bainville, et là j'en organise un dans quelques semaines sur Valois. Je crois que c'est toute une série d'auteurs d'Action française qui pèsent à l'étranger. Deuxième élément important, c'est, je rejoins ce que disait Martin Motte au début de l'émission, c'est la diversité du maurrasisme et de Maurras lui-même. À savoir que Maurras, c'est à la fois une vision décentralisatrice, anti-romantique, etc., monarchiste, on pourrait multiplier les entrées. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, à l'étranger, un certain nombre de personnalités ou de groupements vont s'approprier une partie, et pas forcément la totalité, et rarement la totalité, de la pensée maurrassienne. Pour prendre un seul exemple significatif, on parlait tout à l'heure de la question régionale, la première pénétration de Maurras en Espagne, elle se fait au moment de la Première Guerre mondiale par le catalanisme. Ça peut paraître curieux, parce que, au fond, l'enquête sur la monarchie n'a été traduite qu'en 1931, et ce n'est que dans les années 30 que la science espagnole, par exemple, va véhiculer, alors là, un maurrasisme, je dirais, beaucoup plus orthodoxe et connu, à travers, justement, cette empreinte maurrassienne et monarchiste. Et le dernier élément, sur le plan géographique, mais on va peut-être, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que effectivement, il y a un accent mis sur le monde latin, c'est incontestable, avec une pénétration, en particulier en Belgique, en Suisse, en Italie, un peu en Espagne. J'ajoute, parce que je connais bien ce cas, le Canada français, qui joue un rôle tout à fait intéressant aussi, avec évidemment une chronologie importante, car pour que le maurrasisme se diffuse, encore faut-il que les étrangers y voient un intérêt. Et là, ça fait peut-être le lien avec les enjeux extérieurs. Quand on voit par exemple le cas de la Belgique, qui est un des plus intéressants, tout le thème de l'anti-germanisme avant 14 ne joue absolument pas en Belgique, et le maurrasisme en Belgique végète un peu avant 14 et se contente au fond d'être arrimé sur certains éléments du catholicisme avec l'abbé Van den Hout, etc. En revanche, en Belgique ou en Roumanie, la nouvelle situation géopolitique née de l'après-premier conflit mondial permet aux idées maurrassiennes et bainvilliennes de prendre un essor tout à fait considérable. Je me permettrais d'ajouter le cas du Portugal. Oui, bien sûr. Parce que l'Estado Nuevo de Salazar, c'est, je pense, la plus belle réalisation concrète du maurrassisme en acte que l'on ait pu avoir dans l'histoire, n'est-ce pas? Ben, je regrette qu'on n'ait pas regardé davantage le cas des Autrichiens entre 1930, du temps de Monsieur Seyfel. Absolument. Alors, simplement, je voulais dire un mot pour le Portugal, parce que la relation Maurras-Salazar est extrêmement intéressante, et j'avais travaillé un peu là-dessus, des échanges extrêmement précis de Salazar parlant lui-même de Maurras, en disant justement, Maurras c'est un idéologue, ce n'est pas un homme politique, c'est ce qu'il essaie d'expliquer à Plantard-Lassac, à Massy, etc. Mais j'ajouterais que là où l'influence du maurrassisme est sans doute la plus forte et la plus intéressante, c'est au Portugal, sur les milieux intégralistes, avec effectivement des échanges extrêmement intéressants entre des gens comme Antonio Sardinha, par exemple, et les maurrassiens, français un peu, mais également belges, parce qu'il faut savoir que la République proclamée au Portugal en 1910 a conduit un certain nombre de Portugais, de jeunes intellectuels portugais, à partir, et à partir notamment en Belgique. Et c'est de Belgique qu'ils ont pu ramener au Portugal un certain nombre de thématiques maurrassiennes dont ils avaient fait l'apprentissage à Bruxelles. Mais l'influence, à propos de l'Espagne, il y a une chose qui... Je ne sais pas si vous avez regardé les carnets du cardinal Baudrillard quand il parle de l'Espagne. Une Espagne qui est plutôt germanophile, francophile, ce qui expliquerait le comportement des Catalans face à Madrid. Oui, alors si vous voulez, sur... C'est une hypothèse, hein. Si vous voulez, sur l'Espagne, c'est compliqué parce que en Espagne, enfin par rapport à l'Espagne, si vous voulez, on démarre avec une pénétration assez faible, justement sur la base du régionalisme. Sachant qu'effectivement, mais ça, Georges-Henri Soutou connaît ça beaucoup mieux que moi, pendant la Première Guerre mondiale, la neutralité espagnole, effectivement, fait que, il y a une division incontestablement en Espagne entre des gens qui seraient ou plus germanophiles ou plus francophiles, mais un certain nombre d'Espagnols viennent à Paris. Des poètes comme Azorín, etc., connaissent à ce moment-là l'action française. Mais le véritable démarrage de l'action française, enfin de la diffusion de l'action française en Espagne, c'est quand même plutôt les années 20 et surtout le début des années 30. Alors là, avec effectivement l'essor du monarchisme et le fait aussi que la jeune génération maurassienne, Brasilla, Gaxote, etc., va elle aussi se réapproprier l'Espagne. J'ajouterais qu'il y a un autre élément dont on n'a pas parlé par rapport à l'Espagne qui est très important, c'est toute la dimension esthétique. Ah oui, la dimension esthétique. Eugenio d'Ors, le Nusentisme, etc. Bon, ça, on n'a pas parlé aussi de ça, mais ça renvoie au débat sur classicisme et romantisme. Il y a, je dirais que le maurrasisme minimum, même dans un pays où le maurras ne pénètre pas comme les Pays-Bas, les seuls maurassiens, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, bataves que l'on peut trouver, c'est à cause de la question esthétique et du classicisme. Si on lit Daudet, l'importance de l'Espagne sur le plan culturel pour Léon Daudet me semble considérable. Alors, pour l'Espagne, si vous me donnez une seconde, je voudrais revenir sur un point. Pour Bainville, les Bourbons d'Espagne, c'était l'un des plus beaux cadeaux de la famille de Bourbon, de la maison de Bourbon à la France. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, le roi Alphonse XIII maintient l'Espagne dans la neutralité, mais c'est favorable du point de vue français, parce que toute une partie de l'opinion, en particulier le parti au pouvoir, avec président du conseil à l'époque, l'un de mes ancêtres d'ailleurs, Antonio Maura. C'est d'ailleurs amusant, Maura, Moras, on a évidemment accusé Maura d'avoir du sang mort. Enfin, vous voyez, c'est quand même bon. Alors, Maura avait une obsession, c'était de faire entrer l'Espagne en guerre du côté des puissances centrales. Et Alphonse XIII l'en a empêché, il a rendu d'ailleurs en secret les plus grands services aux Français, ce qui conforte tout à fait la thèse plus bainvillienne même que maurassienne finalement de la solidarité des Bourbons. Merci. En ce qui concerne la Catalogne, là, on est typiquement dans le lien direct entre le Félibrige et l'action maurassienne, puisque en réalité, le Félibrige était associé au catalanisme depuis les années 1860. Hein, les proscrits catalans des années 1860 se réfugient en Avignon, etc. Catalogne, Balandoc, Provence, ça fait un ensemble. Bien sûr, ça va. Et donc, là, et de même pour la Roumanie, il faudrait voir le lien. L'influence de Maurras a été préparée par le fait que Mistral était extrêmement lié avec Alexandrie, qui était finalement le Mistral roumain. Hein. On est dans des thématiques qui sortent de 1848. Bon, Oui, j'ajouterais juste que pour la Roumanie, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est la présence, et pour le Canada aussi d'ailleurs, et ça n'a pas été assez étudié, c'est la présence d'étudiants étrangers en France et l'influence qu'ils subissent à Paris du mouvement d'action française. Et dans le cas de la Roumanie, c'est extrêmement intéressant, car on voit très bien une influence française et d'action française assez forte durant les années 20. La diffusion, par exemple, d'huile de Massy, défense de l'Occident en Roumanie, est tout à fait intéressante. Et à l'inverse, au tournant des années 30, c'est l'Allemagne qui va l'emporter. De ce point de vue, même s'ils sont chronologiquement proches, les itinéraires différents de Mircea Eliade ou de Sioran sont extrêmement intéressants. On regarde vers la France au départ, des gens comme Vulcanescu, etc. Ensuite, on va regarder vers l'Allemagne. Et à cet égard, on voit très bien qu'au tournant des années 30, la France perd une partie de son influence intellectuelle dans ce type de milieu. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est tous ces échanges et toutes ces circulations, car si on parle de la Roumanie, on peut aussi bien reparler de l'Espagne avec le moment fondamental que revêt la Roumanie. Perd de l'influence intellectuelle parce qu'elle perd de l'influence économique. Mais oui, et diplomatique aussi, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. J'ai quelques messages, professeur. Oui, allez-y. Et une auditrice. Ne pensez-vous pas que Maurras était athée ? Point d'interrogation. On comprend donc la position vaticane. On lit tous les messages et puis oui, vous... Oui, voilà. Une auditrice, au début de l'émission... Elle est très importante, la remarque de l'auditrice. Oui. Au début de l'émission, M. Georges-Henri Soutou a évoqué le Maurras poète. Ne serait-il pas intéressant de rappeler qu'au départ de sa vie, Maurras était un littéraire pétri d'humanisme et qu'il est arrivé à la monarchie par l'histoire de la Grèce? Non, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'écoute les questions. Alors, j'ai une autre question, mais je crois que... Bon, ça... Ce serait peut-être mieux de répondre déjà sur la lancée de ces deux questions, parce que là, c'est... Nous sommes, je pense, tous d'accord, et pas seulement moi-même, Jean-Jean Issoutou, pour estimer que le point de départ, effectivement chronologique, en quelque sorte, de Maurras, c'est la poésie, et que ça a été, à mon avis, l'axe central de sa vie, malgré ce qu'il a été amené à faire dans bien les domaines. Mais là, Martin Mott et Olivier Dard et vous-même, vous le connaissez mieux que moi, finalement, vous me direz, mais Maurras est quelqu'un qui a dirigé, certes, une ligne politique, un journal extrêmement violent. Il ne faut pas oublier que le ton de l'Action française est extrêmement violent. Aujourd'hui, pratiquement tous les numéros seraient interdits à la vente. Hein. Ça faut être là-dessus très clair. D'autre part, la Ligue d'Action française, n'oublions pas, on a parlé des camelots du roi, ils ont la fameuse canne plombée, n'est-ce pas, qui ne sert pas uniquement à marquer le pas dans la rue ou à se soutenir. Ils chantent la royale, dont certains couplets, là aussi, vaudraient aujourd'hui deux enfermes. Quand même le rappeler. En même temps, il arrive à contrôler une partie de la Sorbonne. Oui, oui, non, mais dans un climat qui est particulier, il ne faudrait pas oublier aujourd'hui. Bon, et en même temps, Maurras est quand même quelqu'un dont la dernière grande manifestation, je dirais, publique, officielle, enfin, est dans le monde officiel, l'élection de l'Académie française. Il n'est pas fréquent de voir un révolutionnaire, parce qu'au fond il est aussi révolutionnaire d'une certaine façon, se présenter à l'Académie et être élu en plus, n'est-ce pas? Donc il y a là une contradiction, et on ne résout cela, je pense, que par la dimension poétique que rappelait fort bien l'auditrice. L'autre question sur l'athéisme de Maurras, c'est une énorme question, et là je laisserai peut-être mes collègues en dire quelques mots. Moi, je ne crois absolument pas que Maurras était athée. Je pense que Maurras était un agnostique. Et pour prendre le vocabulaire catholique contemporain, et assez pénible d'ailleurs à mon goût, mais enfin peu importe, c'était un catholique, un agnostique en recherche. Et j'en veux pour preuve, bien en fait, les vers très connus de la prière de la fin. Alors on va dire oui, c'est la fin de sa vie, mais en réalité c'est un souci qu'on voit dès le moment où il perd la foi catholique, c'est-à-dire dès ses 15 ans. On le voit. Et je voudrais citer ces vers qui sont très beaux. Quand il dit « Car Seigneur, je ne sais qui vous êtes, j'ignore quel est cet artisan du vivre et du mourir. Au cœur appelé mien, quelles ondes sonores ont dit ou contredit son éternel désir. Et je ne comprends rien à l'être de mon être, tant de dieux ennemis se le sont disputés. Mes os vont soulever la dalle des ancêtres, je cherche en y tombant la même vérité. » Bon, si c'est pas quelqu'un qui est préoccupé par la question religieuse, je sais pas ce que c'est. Donc Maurras athée, certainement pas. Maurras est quelqu'un qui, dans les années 30, alors qu'il y a ce problème de la condamnation du Vatican, qu'il y a le Carmel de Lisieux qui prie pour sa conversion, etc., à la sortie de son emprisonnement en 38, se rend à Lisieux et va prier à genoux sur la tombe de Thérèse, alors qu'il est un croyant, il se dit un croyant. Donc, vous voyez, il est un croyant au sens où il est agnostique, mais quelqu'un qui va prier à genoux, etc., et qui écrit le poème que j'ai rappelé quelques vers, n'est pas un athée, ça me semble évident. D'ailleurs, un prêtre avait écrit tout un livre à ce sujet, c'est l'abbé ou chanoine Cormier, sur justement la vie religieuse de Charles Maurras. Je ne sais plus quel était le titre exact, mais il y a tout un livre qui a été consacré à cette... Deux, car il en a écrit deux, car Cormier. Deux même. D'autre part, il faut souligner, pour être complet, que l'Église elle-même a évolué. Je me souviens, je parle du haut de mes 66 ans, qu'on nous expliquait au catéchisme que le plan de Dieu avait créé l'Empire romain pour que le christianisme puisse tout de suite déboucher sur l'ensemble de l'humanité civilisée et ne pas rester, disons, une secte locale juive, disons-le. Bon, c'est exactement la pensée de Maurras. Et cette pensée de Maurras sur le rôle de l'Empire romain pour la diffusion du catholicisme, corrigeant le catholicisme même, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, aujourd'hui n'est plus du tout admis par l'Église. La dernière fois que j'ai eu l'occasion d'évoquer Rome avec un membre d'un clergé français, j'ai eu droit à une série d'éructations furieuses qui montraient que là on a vraiment changé de génération. Donc là aussi, le sentiment religieux de Maurras doit être réétudié dans un contexte culturel et religieux, je dirais, qui n'est plus le nôtre. J'ai un message d'un auditeur. Charles Maurras n'était pas un homme d'action, mais un intellectuel courageux. Les événements du 6 février 1934 n'auraient pas eu lieu si vraiment il était un homme d'action courageux. Nous n'aurions pas eu le Front populaire. C'est mal le rapport. Enfin, non, mais faire découler le Front populaire du 6 février 1934, c'est quand même un peu, oui. C'est quand même un peu fort de café, si vous me permettez, parce que ça élimine quand même toute la question fondamentale du rôle de l'internationale communiste, etc. Mais pour en revenir à la question de l'action, hein, puisqu'on parle de Maurras, bon, je crois que c'est un élément tout à fait fondamental. C'est-à-dire que ce qu'il est intéressant de poser ici, c'est la question de l'histoire des dissidences d'Action française. Car l'histoire d'Action française, de l'Action française, c'est aussi l'histoire d'une série de dissidences. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais je citerai deux exemples tout à fait significatifs. Le premier, c'est la dissidence de Georges Valois qui vient après le départ de Louis Dimier. L'autre, bien sûr, va être, alors c'est une dissidence qui ne l'est pas tout en l'étant, c'est toute une série de gens de la jeune droite des années 30. Mais si on va, pour prendre des exemples précis, de Louis Dimier, 20 ans d'Action française, à Lucien Rebattet, Les Décombres. Les Décombres, ou le fameux chapitre au sein de l'inaction française, hein, en un seul mot, est tout à fait intéressant. Maurras, évidemment, a très mal apprécié, ça se comprend, ce chapitre, qui est en même temps un des portraits les plus beaux de Maurras, je le dis et je le maintiens, c'est tout à fait évident. La description du regard de Maurras, etc. Mais à chaque fois, au fond, ces dissidents, que disent-ils? Ils disent, au fond, l'action française pousse à l'action, pousse à des campagnes, mais lorsqu'il s'agit d'agir, eh bien, effectivement, si l'action française est capable de mener des agitations de rue, etc., elle ne parvient pas véritablement à structurer la vie politique, parce que on est ici devant un vrai problème, c'est que l'action française, au fond, n'a pas de chef politique, n'a pas de dirigeant politique, et Maurras n'est pas un homme politique. Et je voudrais citer cette anecdote de Louis Dimier, qui est extrêmement intéressante, quand Dimier explique qu'il rencontre Maurras, et comme il explique à Maurras, il se voit au journal, et Maurras lui dit, mais où allez-vous, cher ami? Et il dit, je vais visiter les sections d'action française. Et Maurras le regarde, en lui montrant à quel point tout ça lui paraît parfaitement stupide, perte de temps, etc. Et Dimier, c'est quelque chose qu'il va évidemment intérioriser, sur lequel il va réfléchir, car effectivement, il a cette remarque extraordinaire. Il dit, pour Maurras, de l'instant où l'idée existait, la question était réalisée. Alors que, à l'inverse, quand on fait de la politique, c'est un travail de terrain, et l'action française, Maurras en tête, ne l'a pas fait. Ouais. On retombe sur le débat, influence intellectuelle, influence organisationnelle. Et vous allez dire que je suis obsédé de cette question, mais je la trouve centrale. Ça nous renvoie une fois de plus à l'héritage mistralien. Mistral disant à un de ses disciples, espérons et aspirons, l'aspiration vaut la conspiration. C'est-à-dire que, alors évidemment, dans le cas de Mistral, comme c'est une œuvre poétique, et culturel, d'une certaine manière, il n'y a pas de césure entre la pensée et l'écrit, la poésie et l'action, parce que la poésie est action. Le problème, quand on passe à la politique au sens classique du terme, et là, je crois qu'on est dans une sorte de platonisme, et je pense que ce qui a manqué à Maurras, c'est de comprendre. En fait, c'était une sorte de gramsciste de droite. Son idée, c'était de transformer les choses par la culture, par l'imprégnation, en contournant le politique, et là, finalement, il n'aurait pas été en porte-à-faux. Et c'est cet reconçu homme d'action qui l'a plombé, en fait. Alors, j'ajouterais juste un point qui va tout à fait dans votre sens. C'est au moment de la dissolution de 36, après les funérailles de Jacques Bainville qui tournent mal, etc. La Ligue est dissoute. Leur grande préoccupation, c'est que le journal soit maintenu. Et, de ce point de vue, la dissolution de la Ligue, bon, ils l'acceptent en tant que telle, et ils ne cherchent d'ailleurs pas refaire autre chose. Ils acceptent la situation, hein, ni plus ni moins, ce qu'évidemment vont reprocher un certain nombre de dissidents. Et j'ajouterai un autre élément intéressant, c'est que les jeunes, hein, des années 30, assiste de façon extrêmement dépitée et avec beaucoup d'amertume à la montée en puissance d'un grand rival pour lequel ils éprouvaient le plus profond mépris. Et comme nous sommes à la radio, je tairai ce qu'ils en disaient, c'est Laroque. Mais Laroque, lui, avec les Croix de Feu et après avec le Parti Social Français, a réussi à construire une force militante que l'Action Française n'a jamais été capable, pour toutes les raisons qu'on a indiquées, de mettre sur pied. Et là, il y a effectivement un fossé important. Non, cette question est fondamentale. Je me permettrai peut-être une remarque rejoignant d'ailleurs l'évolution de Jacques Bainville, qui a fini, après la guerre de 14, par estimer que la Troisième République serait un régime durable. Ce qui, 1940 à part, s'est révélé à l'époque exacte. Et je pense que la grande force de la Troisième République est d'avoir été un extraordinaire édredon qui permettait à toutes sortes de tendances du Parti communiste à l'Action française et même à la droite de l'Action française de s'exprimer, de jeter leur gourme, si vous voulez, en les contrôlant. Vous avez rappelé 1936, et à certains moments on prend des mesures, parfois très énergiques, mais sans jamais chercher à réaliser une sorte d'ostracisme politique complet. Le régime est fondamentalement libéral, beaucoup plus que ne le sont, que ne l'est le régime actuel, pour dire les choses franchement, dans certains domaines. Et au fond, dans cet immense édredon, des groupes comme l'Action française, il y en a eu d'autres, tous ceux qu'on appelle les idées des années 30, tous ces groupes des années 30 ont pu développer leurs idées très tranquillement, sans être inquiétés, sans grand écho, justement parce qu'on leur enlevait au fond, de certaine façon, le prestige de la persécution. D'autres régimes en Europe n'ont pas su, ou en France à d'autres époques n'ont pas su manœuvrer de cette façon-là, et ont donné finalement une légitimité politique à des mouvements qui au départ étaient des courants intellectuels, comme vous l'avez fort bien rappelé. Charles Maurras se sent finalement très bien dans cette Troisième République. Jamais il l'aurait avoué, il n'a jamais même pensé, mais dans les faits, le premier chapitre des décombres de Robatet que vous citez en est l'expression la plus évidente, n'est-ce pas? Ça va très bien. Hein, bien, si vous voulez, il faut que nous avancions un petit peu. Je voulais juste lire un texte, et on ne répondra pas aux besoins, je laisserai avec des références. Il y a un de nos auditeurs belges. Si vous parlez de l'influence de l'Action française en Belgique, pourriez-vous mettre en dire davantage sur l'influence de Maurras sur le mouvement Verdinasso de Joris van Severen dans les années 30? Alors vous pourrez lui répondre directement. Je remercie ce monsieur. Il a son numéro de mail. Voilà, je voudrais que nous passions à qui l'étranger. Nous avons beaucoup parlé de la politique intérieure de la France. Je signale qu'il y a une question qui nous est posée sur les oppositions entre le maurrassisme corporatiste de Vichy et le technocratisme synarchique de Vichy. Bon, on pourra toujours, on laisse ça de côté. Je remercie l'intervenant d'avoir eu le courage de signer sa question dans ce marché. Mais je pense qu'il nous faut parler maintenant de qui l'étranger, qui est quand même un élément important de la pensée de l'Action française. Peut-être pas maurrassienne, mais bainvillienne. Alors, à mes yeux, ce qui reste aujourd'hui, quand on a tout oublié de Maurras dans l'esprit de nos contemporains, c'est qu'il est étranger. Pour quelles raisons? C'est ce que nous allons devoir un peu développer en rappelant ce qu'est qu'il est étranger. C'est le titre d'un ouvrage paru pour la première fois en 1910, qui a connu différentes rééditions avec chaque fois des ajouts considérables, et qui est l'analyse de la situation de la politique extérieure de la Troisième République à partir de 1895, c'est-à-dire d'une période qui n'a pas duré fort longtemps, qui a duré à peine 3-4 ans, où l'on pouvait penser voir se constituer une sorte de rapprochement entre Paris, Saint-Pétersbourg et Berlin. La Russie, alliée de la France depuis le début des années 1890, mais ne souhaitant absolument pas être entraînée dans un conflit franco-allemand, bien au contraire, utilisant au fond l'alliance franco-russe pour ramener la France du côté de l'Allemagne contre, évidemment, contre la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Alors, il est évident que c'est le point de départ de la réflexion maurassienne, qui condamne bien sûr ce rapprochement indirect avec Berlin, mais qui au-delà pose tout le problème d'une politique extérieure républicaine. Est-ce que la République peut avoir une politique extérieure régulière, constante, audacieuse? Est-ce que les dirigeants républicains ne vont pas beaucoup plus loin que ne le permettent en fait les forces réelles du régime et du pays, et ainsi de suite? Alors, toute cette série d'interrogations, eh bien, je dirais, et Martin Motte va me peut-être compléter, enfin, cette série d'interrogations a marqué et marque encore aujourd'hui toute une série de réflexions, et au-delà même, bien sûr, de l'action française, on est très loin de l'action française, toute une série de réflexions concernant la politique extérieure française, et ce, jusqu'à aujourd'hui, pour des raisons que, dans un deuxième temps, nous allons peut-être essayer d'élucider. Oui, il me semble qu'en fait, c'est pas tant le rapprochement avec Berlin que condamne Maurras, que le fait que, justement, les institutions ne permettent pas d'assumer les conséquences de ce rapprochement avec Berlin, c'est-à-dire une possible guerre avec l'Angleterre. Parce qu'en réalité, Maurras, bon, n'aime pas l'Allemagne, parce qu'il y a tout le souvenir de la guerre de 70, plus une opposition culturelle, donc là, on rejoint le thème classicisme contre romantisme, enfin, c'est pas... Mais ce qu'il dit, c'est que l'alliance avec Berlin, ou l'alliance avec Londres pourrait marcher, donc le système de Gabriel Anoto d'un côté, celui de Théophile Delcassé de l'autre, aurait pu marcher si la République française avait été constituée de telle manière à pouvoir assumer les conséquences, c'est-à-dire le risque de guerre. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on a une diplomatie qui est erratique parce qu'elle est à la merci des changements de majorité qui sont très fréquents dans la Troisième République, et qui, en plus, est une diplomatie qui mène à des crises internationales qu'on ne peut pas affronter, faute d'avoir une marine et une armée digne de ce nom. Et là aussi, il rattache l'impuissance de la marine dans la crise de Fashoda en 1898, ou à l'inverse de l'armée de terre dans la crise de Tanger en 1905, à cette instabilité gouvernementale qui empêche d'avoir une politique suivie dans quelques domaines que ce soit, et en particulier la diplomatie et la défense. Voilà le cœur de sa thèse, me semble-t-il. Oui, voilà, je laisse parler les spécialistes des relations internationales, donc je suis tout à fait d'accord avec cela. J'ai lu le volume avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il y a un élément, peut-être, pour relancer la discussion et faire le pont avec ce que l'on disait au début. C'est toute la question chez Maurras, importante aussi, de l'équilibre européen, et tout le problème chez lui de la question de la latinité. C'est-à-dire que de la latinité. C'est-à-dire la latinité, la question du bloc latin. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas effectivement isoler la vision qu'a Maurras de la politique extérieure de sa vision d'ensemble. Tout ça, évidemment, forme chez lui un tout relativement indissociable, qui d'ailleurs a évolué un peu avec le temps, c'est ce que montre très bien en particulier la communication de Georges-Henri Soutou, avec un Charles Maurras qui s'inquiète beaucoup de la montée en puissance des idéologies dans l'Europe de l'après-18, y compris d'ailleurs quant à la volonté de certains parmi ses jeunes disciples, hein, pour être clair, toute l'équipe de Je suis partout, hein, de vouloir aligner les positions de politique extérieure sur justement une vision idéologique calqué d'ailleurs en l'inversant d'une vision communiste. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que je suis partout, on appelle la ligne, hein, que recherchent les Brasiliaques, etc. Bon, pour Maurras, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, car il a le sentiment que l'idéologie est en train de dominer, pour le coup, une analyse internationale qui doit se faire à partir de critères et de références d'une autre nature. Et en même temps, il y a chez lui cette espèce de désespoir, et j'ai été très sensible à ce que vous avez écrit là-dessus, Jean-Jean Issoutou. L'explication que vous donnez de la France seule me paraît tout à fait intéressante. Finalement, c'est un terme que Maurras n'aurait pas employé avant, très probablement, et qu'il utilise en fonction de la conjoncture, ce qui montre d'ailleurs... Oui, c'est la seule France. Voilà, c'est la seule France, bien sûr, oui, bien sûr. C'est pas la France, c'est la seule France. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai son livre, et j'ai lu, vous avez tout à fait raison de me rectifier. Oui, ce que je vous disais, c'est que, effectivement, il utilise ça dans un certain contexte, et c'est en même temps, peut-être chez lui, une marque, la marque de quelqu'un d'un peu désabusé. Très probablement, très probablement. Oui, alors, bien entendu, encore plus pour la politique extérieure que pour la politique intérieure, l'action française est, je dirais, composée, tout du moins, la résultante de débats constants et quotidiens au siège du journal, tout simplement, où ils sont là tous, tous les jours, entre en particulier Maurras et Bainville, Et Daudet, dont je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence concrète quotidienne, parce qu'il a sa vision internationale aussi, Léon Daudet. Il a été très tôt très en garde contre ce que pouvait donner le national-socialisme en particulier. Il a été lucide très tôt, à mon sens. Mais alors, il est évident qu'il y a entre Maurras et Bainville en particulier deux pôles qui vont s'influencer réciproquement. Il ne s'agit absolument pas de les opposer, mais de constater que dans ces débats difficiles, il y a deux pôles de réflexion. Il y a une tendance chez Maurras, qui est la première tendance à mon avis, qui est celle de Kiel et Tanger, qui est la France prenant puissance moyenne, pour résister à ce monde d'épouvante et des très grands empires, prenant la tête des autres puissances moyennes et petites en Europe. Ça, c'est une vision des choses qui est, à mon avis, dominante dans le dernier chapitre de Kiel et Tanger. Puis, il y a la vision de Bainville qui est différente, qui est celle du concert européen, s'opposant très exactement à la politique des nationalités, disons, de Napoléon III et de ses successeurs républicains, pour dire les choses très, très brutalement. Le concert européen, selon Bainville, c'est aussi une réfutation de la critique de tout un certain 19e siècle français républicain contre les traités de 1815. La thèse de Bainville, c'est que les traités de 1815 n'étaient évidemment pas agréables, mais au moins assuraient à la France un rôle parmi les 5 ou 6, comme on voudra, grandes puissances européennes, ce qui est d'ailleurs historiquement exact. Et au fond, pour Bainville, l'intérêt de la France, tant que faire se peut, n'est pas de remettre en cause, au nom du principe des nationalités, ce jeu entre les grandes puissances, mais de continuer à y participer. Ce qui n'est pas la même chose, au départ, que la thèse de Maurras, parce que la France contre les très grands, à la tête des petites puissances, c'est pas la même chose, pas du tout la même chose que le concert européen. Et puis, il me semble que la victoire de 1919, la réalité de l'après-guerre, et l'influence quotidienne de Bainville ont amené dans une deuxième phase, Maurras a accepté à peu près l'idée du concert européen, sans oublier le reste. Bien entendu, les gens ne sont jamais tous une pièce, mais on peut le montrer. Et puis, Martin Mott évoquait la mort de Bainville. Évidemment, on ne peut pas savoir quelle aurait été l'influence de Bainville sur Maurras après 35, bien sûr, mais il est clair que 1940 induit alors, ce que rappelait Olivier Dard, une troisième phase, non pas la France seule, c'est pas ce que souhaite finalement Maurras, mais la seule France, c'est-à-dire que, étant donné que les Allemands nous occupent, que les Anglais sont l'ennemi héréditaire, que les Soviétiques n'en est pas question et que les Américains sont impossibles, eh bien, il reste quoi pour échapper à l'idéologie? La seule France, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce balancement dans l'ensemble de la politique extérieure française, y compris, j'avais pris le cas de Gaulle et de Pompidou pour la Ve République, on peut démontrer l'existence chez eux de ces trois étapes, parfois à peu près simultanées d'ailleurs, peu importe. Mais la seule France et la politique nationale de dissuasion nucléaire, vous retrouvez dans les écrits les plus secrets de Gaulle et de Pompidou exactement les mêmes arguments que ceux qu'évoque par exemple Maurras dans son livre « Votre belle aujourd'hui », n'est-ce pas, de paru en 53. C'est extrêmement frappant et la solution finalement c'est la dissuasion nucléaire, déjà évoquée par, annoncée par Maurras, permettant une puissance moyenne de maintenir son indépendance nationale dans un monde incertain, ce qui est la base de la politique extérieure de la Ve République, en tout cas dans sa phase classique. Bien, merci de cette remarquable mise au point. Je voudrais devons répondre à nos auditeurs, oui, professeur. Alors, donc, une auditrice, pouvez-vous me donner plutôt le nom du prêtre qui a accompagné Charles Maurras toute sa vie? C'est pas celui-là. C'est pas celui-ci. Alors, c'est celui-ci que vous avez, professeur, non? Oui, voilà, c'est moi qui lis le texte. Maurras était violemment, viscéralement anti-allemand. Mm. De ce fait, comme Bainville, il était pour un traité inique comme le traité de Versailles. Dans ces conditions, il a contribué à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, qu'en pensent ses invités. Maurras je vais pas prendre la défense du traité de Versailles, bien entendu. Ceci dit, je tiens quand même à rappeler qu'à partir du moment où l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, certaines des clauses auraient pu être certainement mieux combinées, en particulier pour l'économie et les réparations. Mais en ce qui concerne les clauses territoriales, on ne voit pas comment l'Allemagne aurait pu conserver l'Alsace-Lorraine et la partie de la Pologne qu'elle occupait une fois la guerre perdue. D'autre part, il faut quand même rappeler que le traité de Versailles n'a pas remis en cause l'unité allemande, alors que Bainville et Maurras auraient voulu, sinon la remise en cause complète de l'unité allemande, du moins la transformation de l'Allemagne en très vague confédération, ce qui sera très exactement l'objectif de De Gaulle en 44-45 d'ailleurs, je exactement. Le rappelle au passage. Moi, je voudrais... Il jouera au moment de la constitution de l'État allemand, enfin, de la zone des zones d'occupation, où le général de Gaulle dira « chaque zone d'occupation est autonome », ce qui entraînera la création de la SB7 et de la République démocratique allemande. Vous écoutez Radio Courtoisie. J'ai deux messages là, professeur. Oui. Pouvez-vous me donner le nom du prêtre qui a accompagné Charles Maurras toute sa vie, qui lui disait « Quoi que vous fassiez, je serai toujours à vos côtés. Il y a une longue correspondance que je voudrais acheter. Quel en est le titre ? Le savez-vous ? C'est l'abbé Pénon. P-E-N-O-N. Et le livre s'appelle « La Dieu ou le roi » ou quelque chose comme ça. Correspondance Pénon-Maurras, qui est devenu ensuite évêque de Moulins. Et c'est publié chez Privat. Chez Privat. Voilà. Très bien. Une autre question. Quel livre dois-je lire en premier sur Charles Maurras ? Personnellement, j'ai lu Mes idées politiques, mais je ne sais pas si c'est... Eh bien, de... Ben, Martin Mott voulait voilà. prendre la parole. Peut-être Mes idées politiques, qui est une espèce de vademécum. Hein. Voilà. C'est-à-dire que oui. Ça a été d'ailleurs conçu comme tel. Hein. Alors, quand je dis vademécum, c'est un peu méchant. Oui. Mais c'est pas entièrement faux, si vous voulez. On en est à un moment où on considère qu'il faut synthétiser pour la jeune génération un certain nombre d'idées fortes. Et Mes idées politiques est un condensé, utile. Comme livre de Maurras. Mais en livre sur Maurras, il y en a un que je recommande, quoi qu'il soit difficile à trouver, c'est le livre de Michel Moore, le petit livre de Michel Moore qui date des années 50 et qui est très, je trouve, pertinent, très profond. Mais je voudrais revenir un instant sur la question du traité de Versailles. Bon, là, évidemment, on voit bien les inconvénients a posteriori, mais on commet quand même le péché d'anachronisme, me semble-t-il, parce que la position de Maurras, elle est liée à la question de la part du combattant, c'est-à-dire comment indemniser... les Français qui sont morts à la guerre, enfin leur famille, plus exactement, comment indemniser les blessés, comment réparer les maisons détruites dans 10 départements, et l'oppression finalement qu'on reproche, enfin le sort qui a été fait à l'Allemagne après Versailles, c'était tout simplement impossible pour les gouvernements démocratiques de procéder autrement, parce que sinon ils avaient la population d'anciens combattants et de leurs familles qui se retournaient contre eux d'une certaine manière. Donc je crois que là on est vraiment dans l'ordre de la tragédie de la guerre totale. Dès que les guerres deviennent des guerres nationales de conscription, le règlement des guerres est fatalement voué à être très dur. Parce qu'encore une fois, il faut dédommager le combattant, il me semble. Bien, nous sommes à la fin de notre émission. Il y a une question intéressante qui rejoint le problème religieux, sur lequel je voudrais qu'on dise quelques instants. J'ai deux annonces à faire et notre émission sera terminée. Concernant la condamnation de Maurras par le Vatican en 1926, n'est-elle pas aussi due à une volonté politique de Pie XI de rétablir de meilleures relations avec l'État français, et la condamnation de l'action française par le pape aurait été en quelque sorte le prix à payer pour que la France accepte de rétablir les relations avec le Vatican? Sinon, comment expliquer qu'un peu plus de 10 ans plus tard, cette sanction soit levée par Pie XII en 1939, si ce mouvement avait présenté un réel danger pour la bourgeoisie catholique? C'est un débat qui a rebondi d'ailleurs cette année, hein, parce qu'on dispose évidemment des travaux importants de Jacques Prévotat, mais la thèse, au fond, d'une analyse plus politique a été notamment développée dans un livre récent de Philippe Prévost sur justement la condamnation française et ses raisons. Bon, c'est une vraie question qui, je pense, à terme ne pourra peut-être encore évoluer au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'un certain nombre d'archives risquent peut-être de sortir. Je suis tout à fait d'accord. Dernière d'une auditrice, parce que nous arrivons en fin d'émission. Non. C'est terminé. pensez? Ben, je voudrais pouvoir, j'ai des... Ah, malheureusement. Bon, j'ai une remarque, un message qui commence ainsi. Pourquoi cette antenne qui regroupe les derniers Maurassiens qui cassent les pieds à ceux qui ne le sont pas? Alors, je voudrais simplement dire à ce monsieur que le nombre de Maurassiens sur cette, dans notre pays n'est pas négligeable, parce que ça va de l'extrême gauche au nom de l'indépendance nationale, cela va de l'extrême gauche à une bonne partie de l'extrême droite. Alors, dans ces conditions, dire qu'il n'y a plus de Maurassiens en France, on peut en penser ce que l'on veut, c'est inexact. Mais j'ai deux annonces. Pardonnez-moi si je peux pas, je suis pas absolument certain qu'il y ait ici quatre Maurassiens autour de ces micros. Mais enfin, ça, je laisse à l'auditeur. Non, non. La responsabilité, ça. Je ne suis pas Maurassien, d'ailleurs, moi-même, par conséquent, vous en doutez. Dans ces conditions, je voudrais simplement annoncer deux annonces. L'une du Forum de la France chrétienne qui organise une soirée sur la pensée n'est-elle qu'une sécrétion du cerveau, animée par le professeur Saint-Is, directeur de recherche au CNRS et à l'INSERM, et qui est président de l'Association des scientifiques chrétiens, qui sera en dialogue avec le professeur Dehevels de l'Académie des sciences et qui aura lieu s'inscrire au 06 20 35 55 48, 06 20 35 55 48. D'autre part, signaler pour le lundi 15 février une conférence de monsieur le professeur Harouel, qui est professeur de droit à Paris 2, qui vient de sortir un livre sur l'art contemporain et l'imposture, qui vient de recevoir d'ailleurs le prix Renaissance et qui parlera à l'ASIEM le lundi 15 février 2010 à 18h30. Il nous reste deux minutes d'émission, professeur. Il nous reste deux minutes d'émission, oui. Alors posez votre question, vous avez tellement envie de la poser. C'est une auditrice. Je voudrais savoir, le sermon des droits ou l'histoire de la Constitution française, est-ce de Bainville? Le titre, le sermon des rois ou l'histoire de la Constitution française? Non. Non, messieurs, on ne peut pas vous répondre, cher professeur. Non, mais je pense que je ne vois pas ça du tout dans l'œuvre de Bainville, en tout cas. Oui. Mais écoutez, il me reste, messieurs, à vous remercier chaleureusement. Vous, monsieur Dard, d'être venu de Metz exprès. Ah, mais c'est toujours un plaisir de venir à l'antenne. Et d'autre part, à vous, mes chers collègues parisiens, d'être venus pour parler d'un problème dont on n'ose jamais parler et qui est pourtant un problème toujours vivant en France, que l'on soit ou que l'on ne soit pas maurassien. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'était une émission intéressante et certainement fort importante. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de François-Georges Dreyfus, assisté de Lydie. Cette émission a été diffusée en direct dimanche 31 janvier 2010 de midi à 13h30. Elle sera rediffusée l'après-midi de 16h à 17h30 et lundi 1er février dans la nuit de minuit à 1h30. Elle a été réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros, 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM ou des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Et prochaine diffusion de cette émission, tout à l'heure à 16h. Il est 13h30 sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Tout à l'heure à 14h, le Saint du jour par Louis de Beaumont. Aujourd'hui, Sainte Martine.